la force de Coriolis, de Catel Guillou. Quatrième épisode. La voilà donc, cette tempête, ce cyclone, un de plus. À nouveau, il va falloir protéger les portes et les fenêtres, couper l'électricité, rassembler les piles et les bougies. Ai-je suffisamment amarré mon bateau? Attendre. Pourvu qu'il ne soit pas brisé dans la tempête. M'empêcher d'aimer ces ou pire, emporté au large. Je n'ai aucune envie de me retrouver coincé ici, moi, sur cette île minuscule, dans cette pension déserte. Et jusqu'à quand? Il n'y a même pas d'aéroport dans le coin. Fini le tour du monde. L'horizon à 360 degrés. La liberté ravie. Ce n'est pas possible. Je n'aurais plus qu'à compter les coquillages sur la plage. Cela ne peut pas nous arriver. Comme un idiot. Pas à nous. Pourquoi? Mais pourquoi l'ai-je laissé partir son téléphone? Sans aucun moyen de le joindre. Quelle folie. Je le savais. Je le savais bien pourtant. Et maintenant... Me voilà quelque part dans l'océan Pacifique. Aussi perdu qu'une aiguille dans une motte de foin. Et peut-être à la merci d'une catastrophe. Cette fille n'est pas si naïve qu'elle enfin, en a l'air. Qu'est-ce qui m'a pris? Comment a-t-elle dit qu'elle s'appelait déjà? Jin Jin? Drôle de prénom. Mais quelle idée d'en changer uniquement pour complaire aux étrangers. Comme s'il fallait pour cela renoncer à une part de soi-même. D'accord. Je sais que les religions asiatiques prescrivent l'anéantissement de l'ego, mais tout de même... Ils ne savent pas ce qui les attend. Il y a des limites. Les pauvres. Pardonnez-leur, Seigneur. Qu'ils dorment. Moi, je veille. Soon I will be down. Trouble of the world. Trouble of the world. Trouble of the world. Soon I will be down with the trouble of the world. Trouble of the world. Le cyclone Tamara a modifié sa trajectoire et vient d'aborder les îles de l'Ouest. Restez bien confinés chez vous, dans la pièce la plus sûre de votre habitation, et continuez à nous écouter. Tout de suite, un peu de musique pour détendre l'atmosphère. Enfin, si j'ose dire. Les piles que j'ai trouvées. J'ai pris aussi mes folles scellées, au cas où. Merci Raymond, on risque d'en avoir besoin. Les cyclones sont fréquents ici? Je ne les compte même plus. Quand j'étais enfant. Dès que le vent se mettait à souffler un peu fort, j'allais me blottir dans les bras de ma grand-mère, comme un petit chat. Pour me rassurer, elle me disait que c'était seulement le dieu Tawiri qui était en colère. Mais pourquoi il est en colère? Je demandais. Alors elle me racontait. Elle me racontait que Tawiri, le dieu des tempêtes et des vents, en voulait à Tané, son frère, depuis que celui-ci avait repoussé le ciel, leur père. Depuis le début, Tawiri avait pris le parti du ciel contre leur mère, la terre. Et vous croyez à ces mythes? Ma grand-mère y croyait, et elle n'avait jamais peur. Alors je me suis dit que j'avais intérêt à y croire, moi aussi. Si elle était là, ma mère, elle vous parlerait température d'eau de surface et gradient de pression. C'est moins poétique et pas plus efficace. Votre mère? Elle est océanographe. Oh non! Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, mon cher Raymond, tu es remonté juste à temps. Tenez, prenez cette lampe électrique. Vous voulez que je mette des piles dans le poste de radio? Merci. Je vais m'en occuper. Toi, va plutôt renforcer les fenêtres, d'accord? Bien, parti. J'ai rêvé de l'éléphant de mer la nuit dernière. Quel éléphant de mer? Celui que j'ai vu dans la baie de Rio, mort. Je crois vous en avoir parlé, non? Il me regardait de la même façon, de cet œil noir et brillant qui m'avait tant saisi. Il me parlait aussi, comme on se parle, là, vous et moi. C'était tellement naturel. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Je sais plus. C'était quelque chose de bizarre, d'absurde. Comme toujours dans les rêves. À un moment, je crois qu'il était question de coquillages. Tematai adorait les coquillages. Quand il était petit, il m'en rapportait tellement que je ne savais plus quoi en faire. Qu'est-ce que c'était? Ne vous inquiétez pas. C'est juste un arbre. Espérons qu'il n'est pas tombé sur la terrasse. Vous savez de quoi sont constitués les coquillages? Avec quoi les mollusques fabriquent leurs coquilles? Non, quoi? Du carbone. Raymond, éloigne-toi des fenêtres! Wow! Ça tangue. Et qu'est-ce que ça traîne, j'y serai jamais. À quelle heure doit partir votre avion exactement? À 10h15. Jenny, croyez-vous là? Oh, bien sûr là. Je suis désolée, je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'embouteillages. C'est un congrès très important. Je ne peux pas le manquer. Bien sûr, je comprends. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que nous arriverons à temps. La station météo, ici Brest. Allô? Ça passe pas? Non, aucun réseau. Météo France vient d'actualiser sa page. Le cyclone a été reclassé catégorie 5. Bon sang. Je vais appeler les autorités de Tahiti. À mon avis, toutes les communications sur l'île sont coupées, tu sais. Mais je vais quand même pas rester ici à attendre les bras croisés tandis que mon fils est en danger. Joël, calme-toi. Si ça se trouve, il est parfaitement en sécurité. Si ça se trouve. J'ai une idée. Mathias a bien une radio balise à bord. Oui, je l'ai moi-même vérifié avant son départ. Bon, je vais essayer de joindre le centre de contrôle de mission de la zone. Allô, bonjour, ici Loïc Morvan de Brest. Vous m'entendez? Auriez-vous reçu un signal de détresse en provenance d'un bateau français? Français, un voilier français, MID-227. Oui. Le signal reçu à 22h38 heure locale, coordonnées, 145 ouest. Des secours ont déjà été envoyés? Je répète, des secours ont-ils été envoyés? Et merde. C'est dans l'archipel des Tuamotu. Tamara est pile dedans. Venez vite, c'est par là. Ah, c'est pas le moment. Pardon. Pardon. Pourquoi il y a tout ce monde dans le hall? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Plusieurs vols ont été annulés. Lesquels? Attendez-moi ici, je vais me renseigner. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Où es-tu? À l'aéroport de Shanghai. Je dois décoller pour Lima dans 30 minutes et je n'ai même pas encore passé le premier contrôle. Excuse-moi, mais je n'ai pas trop le temps de te parler, là. Chris, j'ai peur. Il se passe quelque chose. Je te rappelle plus tard. Tous les vols en direction de l'Amérique du Sud sont annulés. C'est pas vrai. C'est quoi? Une alerte à la bombe? Non, un cyclone. Un cyclone? C'est bien ma veine. À quelle heure est reporté le vol pour Lima? Ils ne savent pas encore. Bon. Bien, je crois que je vais avoir tout le loisir d'écumer les boutiques du Tifri. Je vais attendre avec vous. Mais non, voyons, ne perdez pas votre temps. Vous avez sûrement mieux à faire que de pointer ici avec moi. Non, cela ne me dérange pas. Je vous assure. semblerait que ce cyclone soit d'une intensité particulièrement forte, le plus fort qu'on ait connu dans la région depuis au moins 70 ans. On parle de vents de 300 à 350 km/h. Le diamètre du cyclone lui-même ferait plus de 1000 km. Alors, le réchauffement climatique serait-il à l'origine de cette puissance exceptionnelle ? Il faut d'abord rappeler que les cyclones sont les phénomènes climatiques les plus puissants que nous connaissons sur Terre. Et c'est vrai qu'on observe depuis plusieurs années un accroissement de ces phénomènes extrêmes, à la fois en termes de fréquence et d'intensité. Maintenant, le réchauffement climatique y est-il pour quelque chose ? Oui, probablement. Éteins ça, s'il te plaît. Mais de nombreux autres facteurs... T'as entendu ? 350 km/h. Son bateau était sinistré. Quoi ? Le centre de contrôle de la région a reçu le signal de détresse. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Mathias était dessus ? Je ne sais pas. Oh, nom de Dieu ! La balise a pu se déclencher toute seule. Il y a un fonctionnement automatique. Mais il est où maintenant ? Mais je sais pas, je te dis ! Le bateau a été localisé dans l'archipel des Tuamotu. Mais il a peut-être été emporté. Peut-être que Mathias, lui, est quelque part sur une île à l'abri. Mais et si c'est pas le cas ? Si c'est lui qui a déclenché la balise ? J'aurais jamais dû le laisser partir. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû l'emmener avec moi. Avec toi ? Mais de quoi tu parles ? Le Saint-Laurent. Mais pourquoi je l'ai pris avec moi ? Il serait parti de toute façon. Il a toujours eu ça en lui. Joël. Mathias. Non, ils ne savent toujours pas quand le trafic pourra reprendre. Tenez, c'est pour vous. Pour moi ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est du parfum. J'espère qu'il vous plaira. Oh, merci. C'est vraiment très gentil à vous. Mais il ne fallait pas... Vous remercier de m'avoir servi de guide pendant ces 3 jours. Et d'avoir été mon interprète. Vous êtes très doué, vous savez. Moi ? Oh non. Si, si, je vous assure. Dans mon métier, je suis amené à fréquenter beaucoup d'interprètes et je peux vous dire que vous avez un vrai talent pour ça. Vous avez l'oreille. Et l'oreille, c'est l'intelligence. Merci. Qu'est-ce que vous comptez faire après votre thèse ? Après ma thèse ? Oh, je ne sais pas encore. Vous ne voulez pas enseigner à l'Institut ou ailleurs ? Oh si, ce serait formidable, bien sûr, mais... Mais quoi ? Je vais sans doute déménager. Ah bon ? Et pour aller où ? Au Canada. Au Canada ? Tiens donc. C'est à cause de ma fille, elle est très malade. Elle ne peut pas rester vivre ici. Je ne savais pas que vous aviez des enfants. Oh, une petite fille seulement. Elle a 2 ans. Et qu'est-ce qu'elle a exactement ? Des problèmes respiratoires, des allergies. C'est à cause de la pollution. Beaucoup d'enfants sont dans ce cas ici. Et pourquoi le Canada ? Mon mari est ingénieur. Il a trouvé un travail là-bas. À Vancouver. Vous connaissez ? Vancouver, je connais, oui. C'est une jolie ville. Très saine, à ce qu'il paraît. Oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Quand j'ai fait cette traversée des États-Unis à moto, je me suis retrouvé un jour dans un patelin complètement perdu au fin fond de l'Oklahoma. Un motel, une station-service, un bar, c'était à peu près tout. Il faisait chaud, je suis entré dans le bar. C'était le noir complet à l'intérieur. Je me souviens que mes yeux ont mis plusieurs minutes à s'habituer à l'obscurité. Mais tout de suite, j'ai entendu sa voix. En fait, j'ai été comme capté par sa voix. Vous parlez de... Tamara, ma fiancée, comme vous dites, oui. Elle chantait un vieux blues ou un negro spiritual, je me souviens plus très bien. Il y avait tant de chair dans cette voix. Tant de rage. Tant de larmes. Je suis resté des heures à l'écouter, jusqu'à la nuit. Le lendemain, elle montait à l'arrière de ma moto et nous repartions ensemble. direction la Californie. Elle venait de là-bas? Non, Tamara est née en Louisiane. Elle avait 7 ans au moment du passage de l'ouragan Andrew. Elle y a perdu sa maison et sa mère. Son père a décidé de rester et puis, plus de 10 ans plus tard, rebelote avec Katrina. Je crois que c'est ça qu'elle n'a pas supporté. Cette répétition, comme une fatalité. Alors elle est partie sur les routes au hasard, chantant sa peine ici et là pour subsister. C'est comme ça qu'elle a atterri dans ce trou paumé au fin fond de l'Oklahoma. Quand je l'ai rencontrée, elle savait même plus comment elle s'appelait. Je l'ai aimée. Oh oui, comme je l'ai aimée. C'est en partie pour elle que je me suis lancé dans ce business de l'environnement, vous savez. Pour lui prouver que c'était possible. Qu'un avenir était encore possible. Que toute la nature n'était pas contre nous. Mais que nous pouvions la respecter, l'honorer, la sauver. Et nous sauver aussi par la même occasion. Au début, tout se passait bien. Elle a paru y croire. Du moins, elle a essayé. Et puis très vite, ses visions sont revenues. C'était des scènes d'horreur, de catastrophe. Des cris qui la harcelaient alors que moi, je n'entendais rien. Et elle a commencé à m'accuser. Elle me disait que j'étais aveugle et sourd. Que je marchais vers l'abîme avec les autres. Non, j'ai fait ce que j'ai pu, mais... On ne peut pas lutter éternellement contre la douleur de l'autre. C'est pour ça que j'ai décidé que... Oui, j'ai décidé de la quitter. À mon retour à San Francisco, je lui dirai que ça n'est plus possible. Que je ne peux plus. Je sais que ce sera difficile, pour elle comme pour moi, mais il le faut. Vous comprenez ? Vous comprenez, n'est-ce pas ? Lucie ? Gingy ? Elle s'est endormie. Ça s'arrête. C'est pas encore fini. Vous êtes sûr? Nous devons être dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone? Il va pas tarder à appliquer. Qu'est-ce que vous faites? Mais il faut que je voie ça. Vous rigolez? Personne ne sort d'ici. Juste un instant. Ne craignez rien! Vous devez rester à l'abri! Les vents vont revenir deux fois plus fort! Mathias, ne faites pas ça! C'est incroyable! Même les étoiles. Vous êtes complètement inconscient. L'œil du cyclone. Je marche dans l'œil du cyclone. Monsieur Mathias, revenez. Anywhere out of the world.